Maestro Bonkana Maiga. Je voudrais juste dire un petit mot. Vous savez, Africando, il y a déjà le mot Afrique dans Africando Claudicia. Ando, en Wolof sénégalais, ça veut dire en marchant ensemble. Andando, en espagnol, il faut avancer. On se donne la main, c'est l'Afrique, et on avance ensemble. Celui qui dirige en ce moment le groupe Africando, c'est lui le chef d'orchestre. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Miguel Gomez. Buenas noches, Paris. Buenas noches, Zenit. Vaya. En el piano de Martinica, el señor Bibi Louison.